Est-ce qu'on la perd? Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. On y va là? On y va, oui. Voilà. Eh bien, alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que... que je... j'ai été appelé à l'armée. Oui. J'avais 20 ans. Et donc, mon frère était sous le drapeau. Donc, il a été démobilisé. Et mon père avait droit... j'étais dans le Vaucluse, hein, dans le département du Vaucluse. Mon père avait droit de garder un garçon à la maison tant que l'autre était sous les drapeaux. D'accord. Donc je demande un sursis. Mon frère était sous les drapeaux, je demande un sursis accordé. La gendarmerie fait l'enquête, il me l'accorde. Et mon frère démobilisé. Démobilisé, ça s'est passé, ça. Il a été démobilisé au mois de septembre. 54. Septembre 54. Alors, donc il est démobilisé. On parlait de la guerre d'Algérie. Mais on ne parlait pas d'une guerre. On parlait de troubles. Mmh. On parlait de troubles. Alors les troubles, c'était des jeunes qui se soulevaient dans les villes algériennes, tout ça, qui se soulevaient, qui manifestaient. Et c'était pas une guerre, c'était de la guérilla, c'était de temps en temps, ils faisaient sauter un camion. Ah, d'accord. Ils faisaient sauter un magasin. Les attentats, tout ça. Pour influencer. Là-bas, ça se passait là-bas. Et nous, les gens d'ici, en France,